Begin the conversation. Commencez la conversation. Between Hélène and the man in reception. Entre Hélène et le réceptionniste. À la réception. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur. Good morning. Bonjour. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Oui, dans la rue Charlot, je crois. Un instant, madame. Ah oui, la voici. La librairie Hervé, rue Charlot. La librairie R... Hervé. H-E-R-V-E-T. Dans la rue Charlot, c'est ça? C'est ça, madame. Numéro 45. 45. C'est loin, la rue Charlot? Êtes-vous à pied? Oui. Alors, à pied, c'est à 10 minutes d'ici.